vivre et intégrer le processus de la fusion, eh bien, il existe une distinction entre les deux, c'est-à-dire que quelqu'un peut vivre le processus de la fusion, donc vivre une communication interne avec son esprit, donc ça lui parle intérieurement et la personne a la sensibilité de percevoir cette communication qui provient d'un autre aspect d'elle-même qui lui communique des idées. Donc autrement dit, quand la personne est capable de tourner son regard vers l'intérieur d'elle-même, elle peut percevoir que des idées sont acheminées à elle. Elle peut prendre conscience de ce phénomène psychique qui autrefois lui échappait, étant donné que son attention était seulement portée vers l'extérieur d'elle-même. Donc autrement dit, lorsque la personne vit une situation dans sa vie qui lui amène à retourner son regard vers son intériorité, elle peut percevoir des phénomènes internes qui échappent à la majorité des gens qui ne vivent pas un processus d'intériorisation comme elle. Et souvent, le processus d'intériorisation, où ce que la personne est appelée à percevoir consciemment sa psyché, est en relation avec différents événements de vie. Ça peut être un problème de santé. Donc, autrement dit, c'est sûr que si la personne passe sa journée alitée, assise dans un lit ou couchée, eh bien, à ce moment-là, elle va sans doute prendre plus contact avec son intériorité parce que son attention n'est pas divertie vers l'extérieur. Donc, autrement dit, c'est sûr que la personne qui joue au hockey, qui joue au soccer, au football, qui va assister à des concerts de musique rock avec la musique très puissante, où elle va faire quelconque autre activité, lorsque la personne est totalement absorbée par une activité qui est à l'extérieur d'elle-même, ça peut être du saut en parachute, ça peut être du bungee, du karaté, peu importe, lorsque son attention est strictement tournée vers les sens à l'extérieur d'elle-même, eh bien, en général, la personne n'est pas capable d'entrer en contact avec son esprit parce que son attention n'est pas en contact avec son intériorité. Mais lorsqu'elle vit souvent des événements difficiles, donc quelqu'un qui a un problème de santé grave qui fait qu'il doit être alité plusieurs heures par jour, ça peut créer un contexte propice à une intériorisation. C'est sûr qu'autrefois, pour s'intérioriser, eh bien, les gens devenaient des moines et allaient dans des lieux comme des abbayes, là, des lieux sacrés là, où ils passaient leur journée consacrée à la prière pour vivre une forme de contact interne avec Dieu, selon leur vocable religieux. Donc, il y a des gens qui faisaient de la vie monastique, de la contemplation en contact avec la nature pour prendre en contact avec leur intériorité. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. C'est sûr que dans un contexte moderne, en dehors de la religiosité et de la pratique religieuse, quelqu'un peut tout simplement passer du temps chez lui et être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et ça, pour que ça débouche sur un contact avec l'esprit plutôt que de la réflexion de l'ego, il faut que l'esprit entre en contact avec l'individu. Et le processus de la fusion, bien entendu, est initié par l'esprit et non pas par l'individu. Parce que quelqu'un pourrait se faire dire « ben, t'as juste à passer 20 minutes par jour à méditer sur le son et la lumière divine pour vivre le contact avec l'esprit et tu vas voir que ton niveau vibratoire va augmenter de jour en jour. » Quelqu'un peut se faire dire ça, mais de faire ça, ça ne débouchera pas sur une communication interne conscientisée avec l'esprit si l'esprit ne décide pas de se manifester à la personne. C'est sûr qu'une personne peut se faire donner des conseils, de faire des exercices de yoga, de méditation, mais ce n'est pas ces exercices-là qui vont lui permettre d'établir un contact interne réel avec l'esprit. Parce que le contact, c'est l'esprit lui-même qui l'initie. Et lorsque la personne le vit, elle peut percevoir qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a des idées qui lui sont acheminées dans la psyché avec un certain niveau vibratoire qui sont associés à ses pensées. Puis, elle peut observer que ses pensées ont une direction envers lui pour l'amener à adopter des comportements et avoir des ajustements qui sont de nature créative. Donc, autrement dit, si ça dit à la personne à l'intérieur d'elle, « Tu devrais mieux gérer ton argent, tes finances, ou être plus respectueux dans ton rapport avec ta compagne, ou faire davantage de ménage chez toi pour que ça soit plus à l'ordre et que la personne sent intérieurement que c'est sur la vibration, bien, si la personne veut travailler avec l'esprit, il doit agir en conséquence. C'est-à-dire que être le terminal de la pensée évolutive qu'il perçoit en l'articulant dans la matérialité, en se mettant en action d'une manière concrète dans son quotidien pour s'ajuster à l'intelligence qui lui achemine des idées qui visent à favoriser son développement. Et pour savoir si une idée qui nous vient en tête favorise ou non notre développement, bien, il faut exercer notre discernement. Et c'est ça qui se développe au fur et à mesure que la personne vient en contact consciemment avec l'esprit. Donc, il apprend à traiter avec cette intelligence de manière à grandir lui-même en intelligence. Et c'est ça qui est à l'origine du contact avec l'esprit. Donc, être en contact avec une intelligence. Le contact avec l'esprit, si on regarde tout ça de manière le plus simple possible, c'est quelqu'un que ça lui parle à l'intérieur de lui, puis il perçoit consciemment, puis il est capable de parler avec cette intelligence qu'il peut percevoir lorsqu'il s'intériorise. C'est tout simplement ça. Donc, vivre la fusion avec l'esprit, c'est ça fondamentalement. Par contre, intégrer le processus de la fusion, c'est autre chose. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent le processus de la fusion. Autrement dit, ça leur parle des choses à l'intérieur d'eux. Ils sont capables d'interagir avec la voix intérieure. Donc, autrement dit, ils sont capables de poser des questions à l'esprit. Donc, la personne peut demander à l'esprit, « Bon, pourquoi que je suis arrivé en retard aujourd'hui? » Là, l'esprit va dire, « Ben, c'était pour voir si tu vibrais encore émotivement. » Donc, en créant un embouteillage, c'est-à-dire en t'amenant, parce que l'esprit ne créera pas nécessairement un embouteillage juste pour un individu, là, mais en t'amenant à aller à tel endroit sur la route, alors qu'il y avait un embouteillage, c'était pour voir comment tu allais réagir. Est-ce que tu allais vibrer émotivement? Est-ce que tu allais rester neutre dans le mental? Et si la personne est capable, par exemple, d'aller à un endroit alors qu'il y a un embouteillage imprévu suite à un accident et rester calme dans le mental sans se laisser déstabiliser par l'événement qui pourrait lui créer une contrariété, donc sans réfléchir l'événement du fait que, sans l'avoir décidé en tant qu'ego, elle est confrontée à un embouteillage automobile qui va faire qu'elle va arriver peut-être 15 ou une demi-heure plus tard à son rendez-vous. Si elle est capable de faire face à cette situation sans la réfléchir, sans se sentir coupable, sans les motiver, sans avoir peur de déplaire à l'autre personne d'une manière exagérée parce qu'elle va arriver plus tard, donc ainsi de suite. Donc, si elle est capable de vivre l'événement pour l'événement, sans souffrir d'impatience, eh bien, à ce moment-là, elle peut passer d'une certaine façon un test de l'esprit. Donc, autrement dit, l'esprit peut amener une personne en auto à être confrontée à une situation d'embouteillage. Donc, à être à un endroit où ce que ça bouge presque pas dans une automobile pour voir si l'être humain va s'impatienter, pour voir si l'être humain va entrer en colère, pour voir si l'être humain va vivre de la tristesse, de la déception, et ainsi de suite. Donc, l'esprit étudie l'être humain. Et c'est dans sa capacité à l'être humain d'amener l'esprit à lui amener des réponses par rapport à ce qu'il vit, qu'il va bénéficier de son intelligence. Donc, autrement dit, si la personne demande à l'esprit « Pourquoi je suis présentement confronté à une situation d'embouteillage sur la route? » et que l'esprit lui répond « C'est pour voir si tu es patient. C'est pour voir si tu vas réagir émotivement. » Ah, la personne peut dire « Ah, c'est intelligent. » C'est intéressant ce que tu me dis. Donc, à ce moment-là, la personne peut réaliser que quelque part, il y a des événements qui lui sont... C'est-à-dire qu'il y a des événements auxquels elle est confrontée, puis à travers ça, il y a une étude qui est faite pour voir si elle vibre ou non émotivement, si elle a tendance ou non à réfléchir, ou si elle va rester stable dans le mental et neutre face à l'événement. Puis voir aussi si la personne va aller chercher des réponses. Parce que l'esprit peut regarder aussi à quel point l'être humain va chercher à entrer en contact avec lui pour chercher de l'information, pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça arrive et aussi est-ce que ça a une fonction évolutive. Donc, si la personne réalise que de vivre un embouteillage automobile a une fonction évolutive pour lui, qu'il y a une série de circonstances qui fassent en sorte qu'elle soit confrontée à une situation d'embouteillage, ben, si ça a une valeur évolutive pour lui, pour voir dans quelle mesure la personne est patiente, ben, à ce moment-là, ça a son utilité parce que ça lui permet de voir comment qu'elle est capable de faire face aux imprévus sans se laisser déstabiliser par ça. Donc, autrement dit, voir comment qu'elle peut fonctionner si son ego est amené dans une situation qui est en dehors de sa zone de confort, de ce qu'elle pouvait prévoir, et ainsi de suite. Donc, comment qu'elle va être capable de s'ajuster en tant qu'ego par rapport à quelque chose qui n'est pas planifié, puis là, elle peut en faire l'étude. Puis pendant qu'elle est dans l'auto, dans l'embouteillage, elle peut discuter avec l'esprit, elle peut demander à l'esprit, la personne, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans les prochaines années avec le développement des nouvelles technologies. Là, l'esprit peut lui dire des choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis là, les conversations, ça peut durer longtemps parce que la personne a là, la capacité d'entrer en contact avec l'esprit. Donc, ça, c'est le début. Donc, vivre la fusion, c'est ce que ça permet au début. Mais d'en faire une intégration cohérente du processus de la fusion, ça, c'est une autre étape qui demande beaucoup d'énergie et souvent qui va prendre du temps pour beaucoup de personnes. Parce que vivre la fusion, là, entendre, entre guillemets, des voix qui nous parlent, ou une voix qui nous parle, c'est-à-dire la voix de notre esprit, quelqu'un qui en entend plusieurs, c'est parce qu'habituellement, il y a des entités astrales, parce que la personne perçoit une voix qui a un certain niveau qui est plus élevé, puis elle peut en percevoir d'autres aussi qui ont des niveaux vibratoires plus bas. Donc, c'est sûr que si la personne perçoit plusieurs voix qui sont parfois discordantes, c'est parce que quelque part, il y a des entités qui ont des niveaux d'énergie qui divergent. Donc, c'est sûr que si une voix, par exemple, lui dit que d'être dans un embouteillage automobile, c'est plate, je suis niaiseux d'être là, etc., qui amène une dépréciation puis d'abaisser la vibration, bien, quelque part, cette voix-là que la personne entend dans sa tête, c'est une voix d'une entité qui cherche à rabaisser son niveau vibratoire. Alors que si la personne entend une voix d'une entité qui, au contraire, lui sert à lui montrer que d'être confronté à un embouteillage, c'est un petit peu comme soulever un poids et haltère, c'est-à-dire que ça sert à tester la force, non pas musculaire, mais la force psychique, pour voir dans quelle mesure tu es capable de faire preuve de patience, dans quelle mesure tu es capable de rester dans une situation de presque immobilité et être stable dans le mental. Donc, si la voix intérieur amène à réaliser une portée évolutive d'une situation ou d'un événement qui vise l'élévation d'un taux vibratoire, bien, on peut dire que ça vient de l'esprit du plan mental parce que les entités de basse vibration n'amèneront pas à l'individu des informations qui vont favoriser son développement et son évolution personnelle parce que ça ne fait pas partie de leur mandat et ça ne fait pas partie de leur agenda non plus. Mais bon, le point qui doit être mentionné, c'est que si la personne vit un contact avec l'esprit, c'est une chose, puis il y en a une certaine quantité de personnes présentement à la surface du globe qui le vivent. Mais très rares parmi eux autres sont celles qui ont intégré d'une manière volontairement consciente le contact avec l'esprit. C'est-à-dire avoir une intégration qui leur permet de générer un ego qui est totalement transparent, un ego qui est totalement dépourvu d'orgueil, de tendance à la réflexion, d'instabilité émotionnelle. Donc, autrement dit, une transparence de l'ego. Parce qu'un certain nombre de personnes peut vivre une communication interne, mais parmi eux, qui sont déjà peu nombreux, il y en a seulement un petit nombre qui sont capables d'intégrer d'une manière adéquate leur rapport à l'esprit, de manière à ne pas souffrir de cette relation avec cette voix intérieure et de ne pas non plus être fasciné par elle. Parce que beaucoup de gens, lorsque ça commence à leur parler à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sont en contact avec des êtres de nature invisible sur le plan physique, mais réels, dans le sens qu'ils résident tout simplement sur un niveau de réalité en parallèle avec le plan matériel. Donc, il y a un certain niveau de réalité qui se rattache à ces êtres qui est perceptible sur le plan vibratoire énergétique, bien qu'il ne l'est pas au niveau physique, ce qui fait en sorte que la personne qui a seulement une conscience qui est tournée vers l'extérieur d'elle ne perçoit pas ces réalités, alors que la personne qui est très intériorisée, elle va les percevoir. Celle qui est moyennement intériorisée, elle va les percevoir, mais avec un certain flou. Donc, par exemple, une personne qui commence à s'intérioriser peut percevoir des énergies qui sont différentes, qui vont se dégager, par exemple, de films ou de musique, mais elle n'aura peut-être pas la sensibilité de percevoir plus spécifiquement des entités ou des niveaux d'énergie de différents degrés, avec un certain raffinement, une précision. Donc, autrement dit, quelqu'un qui commence à percevoir les réalités énergétiques, de mon point de vue, c'est comme une personne qui apprend à faire de la peinture. Donc, autrement dit, la personne apprend à cerner avec clarté les couleurs primaires, que ce soit un bleu, que ce soit aussi la couleur rouge et aussi la couleur jaune. Et là, lorsque sa conscience se raffine, bien, elle peut percevoir des couleurs qui sont secondaires, donc le mélange du bleu et du jaune qui donne le vert. Et ensuite, elle peut percevoir différentes nuances de vert, c'est-à-dire un vert qui tourne plus proche du bleu à différents niveaux. Donc, il y a des sous-catégories, il y a des subtilités. Et pour percevoir les subtilités, ben, c'est à mesure que la conscience se raffine et elle se raffine avec le processus d'intégration de la présence de l'esprit et aussi de la perception d'énergies différentes par effet de contraste. Donc, autrement dit, lorsque la personne est inconsciente et qu'elle ne perçoit que le niveau physique, bien, c'est sûr que de lui parler de niveau énergétique est au-delà de ça demeure abstrait pour elle. Si elle devient un peu plus sensible, alors elle va percevoir le plan astral associé à des émotions. Et si elle devient encore un peu plus sensible, elle va percevoir le plan de l'esprit qui est beaucoup plus subtil à percevoir. Donc, ça y va par gradation. Donc, autrement dit, intégrer aussi le processus de la fusion, c'est d'être capable d'être bien dans sa peau dans la vie de tous les jours. Avoir un mental équilibré, un mental qui est stable, et aussi de s'organiser, de gérer adéquatement sa vie pour être heureux sur le plan matériel. Donc, avoir une vie équilibrée, être capable d'avoir des amis, des loisirs, un travail, une vie familiale qui est harmonieuse, et aussi au niveau plus psychique, être capable d'avoir un rapport avec l'esprit qui est harmonieux. Parce que vivre avec l'esprit, c'est vivre avec des communications internes qui peuvent survenir 24 heures sur 24. Parce qu'après tout, l'esprit ne dort pas, l'esprit ne mange pas. Donc, autrement dit, on peut entrer en contact avec lui continuellement et lui peut entrer en contact continuellement avec nous. Donc, il faut être capable de fermer le canal, la communication avec lui la nuit. Au même titre qu'à un moment donné, il faut fermer le téléphone cellulaire pour pas que le cellulaire soit envahissant et qu'on se ramasse à recevoir des appels téléphoniques 24 heures sur 24 ou des messages textos. Donc, autrement dit, si on ne met pas ses limites, que ce soit par rapport à l'esprit sur le plan psychique ou les nouvelles technologies sur le plan physique, eh bien, on va être envahi. Et c'est tout à fait normal parce que les forces, que ce soit les gens à travers le téléphone cellulaire ou l'esprit sur le plan psychique cherchent à communiquer à l'être humain, avoir son attention et l'influencer. Parce que, à quelque part, il y a des gens qui cherchent à en influencer d'autres parce que ça leur permet d'exister à travers ces influences-là, de vivre par procuration à travers autrui. Au même titre que l'esprit peut chercher à influencer des êtres humains pour vivre par procuration à travers lui, à quelque part, et aussi de se manifester dans la vie de l'humain en vue d'amener un rehaussement de son existence et éventuellement de libérer de certaines formes, parce que l'esprit vise à ce que l'être humain soit davantage fluide dans sa psyché pour être capable d'être en mesure de recevoir de plus en plus de son énergie. Parce que plus que l'être humain est libre dans sa psyché, plus qu'à ce moment-là, il est disponible pour recevoir une grande quantité d'énergie. Alors que si l'être humain n'est pas libre parce que il est fasciné par des formes intellectuelles ou il est submergé par des émotions, bien, ces éléments-là vont faire interférence à une perception claire de l'énergie qui provient de l'esprit. Parce que si la personne est instable émotivement dans son quotidien par rapport à des choses banales, eh bien, elle va avoir de la difficulté à être stable dans le mental et à le rester face à des idées nouvelles qui vont provenir de l'esprit. Donc, autrement dit, la personne doit être capable de bien vivre sa vie de tous les jours et également de bien vivre son rapport avec l'esprit pour connaître un équilibre parfait entre ces deux dimensions. Donc, autrement dit, vivre en tant qu'âme en contact avec l'esprit en fusion dans un contexte matériel pour avoir un vécu qui est intégral. Parce que si la personne néglige sa vie pour des raisons de fascination avec l'esprit, bien, à ce moment-là, la personne va avoir une vie en relation avec l'aspect matériel qui est désincarné. Donc, un petit peu comme autrefois, il y avait certains mystiques qui s'isolaient dans la nature pour méditer. Et ça peut avoir une certaine utilité d'aller en nature pour méditer. Il ne faut pas nécessairement éliminer cette pratique. Mais le point, c'est que si la personne passe son temps tout seul à méditer 24 heures sur 24 et elle n'est plus capable d'interagir avec d'autres êtres humains, elle a la difficulté par la suite à travailler ou la difficulté à dormir et la difficulté à interagir dans un cadre social, bien, c'est sûr que ça peut devenir problématique. Donc, autrement dit, la personne doit être capable de gérer adéquatement son rapport avec l'esprit et en même temps, adéquatement son rapport avec ses semblables, les autres êtres humains dans la société. Et c'est sûr que l'intégration de l'esprit peut se faire sur plusieurs années parce que le contact avec l'esprit, c'est une affaire de quelques secondes. À un moment donné, quelqu'un, par exemple, dans un état de méditation profonde, la personne est très détendue, très calme, son état émotionnel est stabilisé parce que ça fait 20 minutes qu'elle écoute un enregistrement d'auto-hypnose, elle est très stable, puis whoop, ça y parle intérieurement. Donc ça peut être un contexte que l'être humain expérimente. Et à un moment donné, ça se manifeste. Mais ça ne veut pas dire parce qu'à un moment donné, ça y parle intérieurement parce qu'elle écoute un CD de méditation, que ça va être nécessairement le cas tout le temps. Ça se peut que l'esprit ait utilisé cette opportunité comme porte d'entrée pour établir un contact avec l'individu. Et ça se peut aussi que ce soit en lien avec un événement qui n'a aucun rapport avec la méditation. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut vivre un accident d'automobile et être contrarié par l'accident. Donc, ça crée une tension énergétique. Et là, il pose la question à voix haute, qu'est-ce qui se passe pour savoir pourquoi il a vécu cet accident d'automobile qui lui a occasionné du stress, qui lui a occasionné aussi la perte de son véhicule. Et là, tout d'un coup, ça y répond intérieurement, tu as vécu cette expérience-là pour avoir une conscience qui est davantage intégrée dans la matière. Donc, une réponse qui émerge en lui, qui semble survenir de nulle part. Donc, autrement dit, la personne peut recevoir comme information que l'accident d'automobile qu'elle a connu sert tout simplement à la raciner davantage dans la matière et aussi d'établir un contact conscient avec l'esprit. Donc, autrement dit, l'événement peut amener l'individu à s'intérioriser puis à se poser des questions fondamentales sur la vie au lieu de réfléchir à son groupe de musique préféré ou au film qu'elle veut aller voir au cinéma en fin de semaine. Donc, autrement dit, d'être confronté à un événement imprévu peut amener des questions qui amènent des réponses qui sont imprévisibles, qui sortent de son quotidien, la personne. Donc, autrement dit, des événements peuvent être amenés dans sa vie, qui créent des chocs, qui amènent l'ego face à un événement qu'il n'a pas désiré, à se poser des questions, puis là, il y a des réponses qui vont émerger dans sa psyché. Et c'est là que, à travers ces réponses, la personne, si elle s'ouvre et change au niveau psychique en s'intériorisant, va percevoir tranquillement, petit à petit, une communication interne. Et c'est à mesure qu'elle s'intériorise que cette communication augmente et augmente et augmente parce qu'elle l'aperçoit de plus en plus. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui apprend à jouer de la musique. On va parler à quelqu'un de la note Do. Ensuite, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, la personne entend une première fois la note, c'est pas tout à fait clair. Une deuxième fois, une troisième, puis plus qu'elle l'entend, plus que ça devient clair. Puis c'est un petit peu comme pour la pratique d'une chanson. Plus qu'on pratique d'une chanson à la guitare, et plus que ça devient clair, parce que notre attention est là-dessus, puis il y a un approfondissement qui se fait. Bon, ben, il peut y avoir un approfondissement aussi de la communication interne avec l'esprit. Puis quand quelque chose n'est pas aligné avec l'esprit, c'est comme si on entend une fausse note de musique. Donc, c'est comme si on entend une discordance vibratoire qui est présente, qui nous dit intérieurement que, telle chose, ça manque de justesse, ça manque d'ajustement. Un petit peu comme pour l'ajustement des cordes d'une guitare. Donc, quelqu'un qui veut ajuster une corde avec la note Ré, ben, elle peut faire un mouvement qui vise à tendre la corde ou la détendre, jusqu'à temps qu'elle obtienne la note exacte. Parce que si la corde est trop tendue, ben, à un moment donné, elle va casser. Si elle n'est pas tendue, ben, à ce moment-là, on ne peut pas jouer de note. Donc, ça prend un parfait ajustement de la corde. Ni trop, ni pas assez. Et c'est la même chose pour l'ego. Parce que si l'ego se surévalue, c'est trop, ça embrouille. La personne a une mésestime d'elle-même. Donc, elle imagine qu'elle a des capacités qu'elle n'a pas. Elle peut développer un contexte d'infériorité. Elle peut se croire Dieu, et ainsi de suite. Si l'ego se sous-évalue, c'est pas mieux non plus. Parce que si l'ego, dans le fond, se donne une valeur qui est moindre à sa valeur réelle, bien, ça peut faire un ego qui ne vivra pas en fonction de ses capacités réelles sur le marché du travail. Donc, autrement dit, il va être sous-payé par rapport à ses capacités. Donc, autrement dit, c'est un ego qui s'affirmera peut-être pas assez, qui va être trop généreux envers autrui, qui ne sera pas capable de mettre ses limites, qu'on va empiéter sur son terrain. Donc, il va avoir de la difficulté à s'affirmer. Donc, autrement dit, ça prend une justesse, ni trop, ni pas assez. Donc, un ego doit avoir une juste évaluation de lui-même, et pour y arriver, ça prend de la clarté. Parce que s'il est aveuglé par de l'astralité, ben, l'astralité peut l'amener à se surévaluer. Si c'est des forces astrales qui visent à gonfler son orgueil et l'amener à se sentir tout-puissant d'une manière illusoire. Et si c'est des forces contraires qui cherchent plutôt à l'amener à se sous-évaluer pour qu'il ait une vision de lui-même qui est plus limitative, ben, ça va amener une coloration. C'est pour ça que l'ego doit être transparent, et pour arriver à cet état de transparence, ben, c'est le contact avec l'esprit. Parce que l'esprit peut dire intérieurement à une personne, tu peux avoir la capacité de soulever telle charge de poids et haltères, donc autrement dit 150 livres, mais 200 c'est trop, tu vas te blesser. Par contre, 100, c'est pas assez, tu travailles pas assez. Donc, autrement dit, 150 livres, c'est ce qui est optimal pour toi à ce moment-ci de ta vie. Peut-être que dans 10 ans, ça va être différent. Donc, autrement dit, ça évolue. Donc, c'est sûr que l'ego qui travaille avec l'esprit consciemment et qui intègre son énergie à travers le processus de la fusion, en devenant un avec lui, donc il y a une harmonisation psychique qui est occasionnée entre les deux, bien, à mesure que le processus se fait, à mesure que l'individu se dépollue des croyances, des mythes et des préjugés qui pouvaient jusqu'alors encombrer sa psyché. Donc, autrement dit, une dépollution psychique qui était associée de la présence d'éléments en relation avec les plans astraux de basse vibration que l'individu pouvait connaître dans sa psyché qui vont être mis de côté pour être remplacé par la présence d'une énergie plus forte, plus vitalisante, et qui, à mesure, descend en l'individu, rehausse son taux vibratoire. Alors ici, vous pouvez voir une formule paradoxale. Plus qu'une descente d'énergie de l'esprit, et plus que l'ego, l'âme, sont alignés, et plus que ces éléments-là augmentent leur niveau d'énergie. Donc, une complémentarité, et c'est là qu'ils se rejoignent, parce que l'esprit descend, l'ego augmente, donc il y a un point d'équilibre, il y a un point de jonction entre les deux, une synthèse qui se fait. Donc c'est ça l'intégration du processus de la fusion. Donc vive le contact, ça peut arriver à un moment donné, on pose une question, ça nous répond. Quelqu'un peut dire « Ah, j'ai vécu la fusion », mais là c'est pas fini. Donc quelqu'un peut dire « Ah, ça me parle, ça veut dire que je suis branché ». Mais non, il faut aller plus loin que ça, parce que sans ça, ça serait trop facile. Parce que juste de recevoir une communication interne qui est intelligible, c'est pas suffisant parce que ça permet pas une intégration. Et là, l'intégration, c'est là que est l'essentiel du travail. Et c'est là que l'individu peut être testé à la fois par sa source, à la fois par des entités astrales. Et tous ces tests visent à voir dans quelle mesure la personne est capable de traiter intelligemment avec la vie. Voir c'est quoi son niveau d'intelligence, son niveau de discernement, son niveau de jugement. Et c'est là que les choses se jouent. Donc, autrement dit, quelqu'un peut vivre le processus, le branchement, un peu comme quelqu'un qui est branché sur Internet, il reçoit le câble chez lui qui branche sur son ordinateur, on peut dire « Ah, l'ordinateur est branché sur Internet! » Mais non, mais c'est pas tout qui est réglé à ce moment-là, parce que sans ça, la personne n'aurait pas grand-chose à faire. Une fois qu'on est branché sur Internet, ben, il faut être capable de surfer sur le web, de se promener sur l'Internet, et d'être capable de gérer l'information auquel on a accès. Donc, d'aller sur des sites, exercer notre jugement critique, parce que À quelque part, il y a des sources extrêmement intéressantes d'informations sur le web et simultanément, il y a beaucoup de sites Internet où ce qu'il y a de la désinformation. Et là, il faut une conscience critique pour départager les deux. Il se prend aussi une sensibilité pour voir quels sont les individus qui véhiculent à travers leurs paroles des propos qui permettent de rehausser la vibration ou au contraire va la baisser. Et la personne qui intègre le processus de la fusion est appelée à devenir de plus en plus créative dans sa parole et générer sa propre instruction qu'elle va canaliser d'une manière verbale ou à travers l'écrit. Donc autrement dit, en début de processus, ça se peut que la personne soit fascinée par des gens qui font écho à son processus, que ce soit des instructeurs, des maîtres, et elle peut faire de la lecture, mais elle ne passera pas toute sa vie à lire des textes, parce que quelque part, à mesure qu'elle intègre l'énergie de l'esprit, et à mesure qu'elle veut émettre du matériel nouveau, qui est en conformité avec son état individuel, parce que de tenir compte de l'individualité des autres, c'est bien, mais les autres ne seront jamais parfaitement ajustés à notre propre vibration, parce que notre propre vibration est individuelle et elle est unique. La vibration d'une âme qui est en fusion avec l'esprit, c'est une signature vibratoire qui est unique, un peu comme la signature lorsqu'on écrit. Vous écrivez un texte, vous pouvez avoir le même prénom qu'une autre personne, le même nom de famille aussi, mais la manière que vous allez écrire votre nom, vous allez signer avec le crayon sur du papier, c'est ce qui définit votre individualité. Et c'est ce qui définit votre parole, c'est votre signature vibratoire, donc la vibration que vous émettez. Et d'ailleurs, une signature vibratoire peut évoluer au fil du temps, au même titre que la signature écrite. Donc, quelqu'un peut signer son nom d'une certaine façon il y a 20 ans et par la suite écrire différemment aujourd'hui et encore une fois dans 20 ans, mais dans le futur, écrire différent parce que sa sensibilité va changer, son niveau de conscience aussi. Et c'est pour ça que plus que la personne avance dans l'intégration d'une conscience créative qui est l'esprit, et à mesure qu'elle devient créative dans sa parole et ses gestes, et moins elle est intéressée à lire les vérités des autres ou les expressions énergétiques des autres. Déjà, lire des expressions d'énergétique, d'émissions d'autres personnes qui ont une sensibilité vibratoire, qui vivent la fusion, ça peut être utile pendant un certain temps, mais en même temps, il faut être disciple de personne parce qu'à ce moment-là, on ne manifeste pas sa propre vibration et on vit au crochet des autres. On devient des assistés vibratoires d'autrui. Donc, autrement dit, on assiste à leur manifestation vibratoire plutôt que se permettre de manifester sa propre vibration et ainsi s'émanciper psychiquement. C'est sûr que temporairement, on peut faire la lecture d'un auteur, un autre, puis à un moment donné, on sature parce que, à quelque part, l'extérieur ne nous donnera jamais la satisfaction et l'état de plénitude qui peut être manifesté lorsqu'on prend la parole vibratoirement pour émettre son feu mental, son énergie, sa vitalité, sa créativité et aussi sa spontanéité dans quelque chose d'unique et d'inédit qui se manifeste à un moment donné à travers une parole qui est totalement libre, qui est totalement individuée et qui est totalement le fruit d'une manifestation consciente d'un esprit qui est canalisé par un individu qui l'exprime d'une manière co-créative, c'est-à-dire que l'esprit a sa créativité et à quelque part l'individu qui permet à cette énergie de circuler à travers lui, tout en ayant un regard sur le contenu manifesté, participe à quelque part à cette création. Mais c'est sûr que l'ego n'est pas à l'origine des idées nouvelles et originales, mais il est plus participatif dans le sens que l'individu, au lieu de tomber en état de transe, comme certains médiums qui perdent la connaissance, conscience, devrais-je dire. Lorsqu'il canalise du matériel, l'individu qui utilise de manière volontairement lucide sa conscience reste éveillé pendant qu'il canalise, pendant qu'il prend la parole. Comme moi, par exemple, pendant que je vous parle, je demeure éveillé. Je ne suis pas dans un état de demi-sommeil. Je ne demande pas une entité de rentrer dans mon corps, puis moi, je me tasse, puis je laisse dire n'importe quoi à travers mon corps. Non, je suis là. Je suis présent. Je vois ce qui se passe. Et si je vois que je manifeste des propos qui manquent d'ajustement, je vais viser en les percevant à réajuster pour toujours être dans un état d'intégration consciente plutôt que de manifester inconsciemment des propos à un degré variable de conscience. Parce que si quelqu'un canalise une vibration qui provient d'une entité qui est basse au niveau évolutif, ben, elle va canaliser inconsciemment des propos qui sont inconscients. Si l'entité est un peu plus élevée, elle va canaliser inconsciemment des propos qui sont un peu plus conscients. Et si la personne est totalement consciente, elle va canaliser consciemment des propos qui sont totalement conscients. Et c'est là que la personne manifeste son plein potentiel, et c'est là qu'elle est bien dans la peau, et c'est là que, quelque part, elle a intégré son esprit. Et si elle réussit à se maintenir dans cette conscience-là, où elle vit d'une manière volontairement consciente un rapport continuel avec son esprit et avec la pensée, eh bien, c'est là qu'à quelque part, sa vie prend un essor différent. Sa vie peut changer. À la lumière de l'intelligence de l'esprit, il y a beaucoup de réajustements qui se font. Et au fil du temps, ben, c'est sûr que c'est ce qui permet de rehausser son niveau vibratoire et c'est ce qui permet à son esprit de se manifester créativement à travers elle en termes de paroles et d'actions. Parce qu'après tout, l'âme et l'esprit sont des partenaires évolutifs parce que sans l'intelligence et l'éclairage de l'esprit, l'âme, en tant que telle, elle ne se réajuste pas par elle-même. Parce qu'elle vit en fonction d'un orgueil, d'un ego, du désir d'avoir raison. Et à quelque part, est limitée dans son développement. Et puis, l'esprit, sans le support d'une communication consciente avec l'âme auquel elle est branchée, ben, l'esprit en tant que tel, il est parfait. C'est une conscience absolue, c'est une conscience mentale extrêmement évoluée. Il est très intelligent au niveau théorique, mais dans sa manifestation pratique à travers la matière et à travers l'âme, ben, il n'y a pas cette intelligence-là. Donc, autrement dit, il y a besoin de l'âme pour évoluer et c'est la compréhension de l'âme de ce besoin évolutif de l'esprit qui lui permet de réaliser qu'à quelque part, l'âme a son utilité et l'âme n'a pas à se sentir inférieure de l'esprit parce que sans elle, l'esprit ne peut pas évoluer. Donc autrement dit, elle doit établir un partenariat conscient avec l'esprit de manière à s'organiser pour avoir certains plaisirs de vie. Donc, ça peut être de manger un beau repas, ça peut être capable de dormir en paix, ça peut être capable de faire des choses agréables dans son quotidien. Et en même temps, l'esprit doit être capable de gérer sa relation avec l'âme de manière à amener l'âme à rehausser son niveau d'énergie et à évoluer. Fondamentalement, l'âme doit chercher à être bien dans sa peau, d'être bien dans la matérialité. Donc, s'organiser, par exemple, pour avoir des vêtements qui sont confortables, des vêtements qui lui permettent de rester à la chaleur lorsqu'il fait froid dehors. Et en même temps, l'esprit doit s'organiser pour faire évoluer l'âme, pour rehausser son niveau d'énergie en vue qu'elle puisse intégrer davantage de sa présence à lui. Donc, autrement dit, vous avez ici les enjeux. D'un côté, l'agenda de l'âme, c'est d'être bien dans sa peau. Et de son côté, l'esprit, son agenda, c'est de faire évoluer l'âme pour que son niveau d'énergie se rehausse continuellement. Donc, vous avez ici les enjeux évolutifs entre d'un côté l'âme et l'esprit.